En Corée du Sud, le conseil de formation pour la liquidation correcte du passé constitué des formations civiles et sociales telles que le conseil solidaire des formations de souvenirs des martyrs pour la nation et la démocratie a accordé le 23 une conférence de presse pour la démission de Bakune sur la place de Gwanghwamun à Séoul après avoir condamné les scandales de Bakune et de Choi. Le même jour, la lutte des partis politiques et formations civiles revendiquant la démission de Bakune et une enquête rigoureuse sur les scandales s'est déroulée dans diverses régions. L'Association générale des étudiants de l'Université de Séoul a décidé le 22 une grève pour la démission du pouvoir de Bakune et déclaré se mettre en grève le 30 à venir, alors que des professeurs de l'Université de Séoul aussi ont appelé à lutter avec les étudiants en grève. Le 23, un rassemblement à la bougie des ouvriers et citadins pour la démission de Bakune a eu lieu au boulevard Gumnam à Gwangju, endroit de la résistance populaire de Gwangju, 18 mai. Par ailleurs, d'après le journal sud-coréen Sege Ilbo, 307 étudiants sud-coréens à l'université Michigan aux États-Unis se sont réunis le 19 à l'université, les bougies à la main, et ont publié un manifeste d'actualité. Préalablement, les étudiants sud-coréens travaillant dans une quarantaine d'universités américaines aussi ont participé à la campagne d'actualité pour la démission du pouvoir de Bakune.